J'ai jamais eu la chance de le porter, mais je participais à 3 Jeux paralympiques. Et puis la flamme, hein, c'est un peu le symbole du feu qui brûle à l'intérieur de chacun des athlètes. Et puis, c'est faire un peu partie de l'histoire des Jeux olympiques de porter ce fameux flambeau-là.